redirigé dans les ghettos à l'arrivée des potes people. Mais crié jusqu'aux orteils, non pas la gueule des Beatles. Écoute-moi ici, ma race qui boit la tasse. Une menace en carapace, l'Africain au rapace. L'ennemi d'État est l'ennemi du public. Claire et Patrick l'explique sur le service public. On a payé la redevance pour un câblage en couleur, mais aucun coloré à bord l'écran de nos téléviseurs. Dans le viseur de leur GIGN, des agents ingénieux ou assassins d'indigènes. C'est dans nos gènes prédestinés à l'ouvrage. Deux fois plus que le français moyen du deuxième âge. À l'image de nos ancêtres ouvriers, il y a 10 ans passés, c'est dans les caves qu'ils brillaient. 100 ans après, c'est l'église et l'État qui hisse le drapeau en berne pour la fin d'un pontificat. Droit de l'homme dépourvu de conviction, malédiction de l'épiderme, résumé de ma fiction. Laïcité pour tous en fonction de ta tête. Hypocrisie du laïc, défenseur de l'apartheid. L'armateur se marrait lorsque le bateau amarra. Tu comprends rien au ghetto, t'es comme Fadela Amara. À Boubac, les médines dans le tas. Beaucoup plus qu'un symbole des ennemis de l'État. On est des tas, décrété ennemi d'État, état des lieux, vendetta, Chiquipa et Beretta. On respire tard comme Franklin Arrêta, mais l'histoire nous rattrape pas car troqué en peseta. A vos bacs, les médines, ennemis publics, ennemis du service de la fonction publique, ennemis des tiens, ennemis de l'axe du bien, ennemis du fou et monseigneur, m'en est témoin. On a la couleur de l'ennemi, la foi de l'ennemi, le langage de l'ennemi et la musique de l'ennemi. Entends notre appel, celui du désespoir. Nos procès d'intention qui deviennent réquisitoires. Des tribunaux de retour à l'inquisition. La suspicion active amène à la perquisition. Trop dangereux, trop de visages orageux. Voyageant parmi les gens, enfreint les règles du jeu. 1963 à Alabama, les militaires interviennent pour faire respecter la loi. 60 ans plus tard et quelques kilomètres à l'est, on reproduit le même scénario en accord avec la presse. Mais vers quel mur le monde se dirige-t-il? Et quel genre de société les dirigeants érigent-ils? Paranoïa du paria qui n'est pas roi, responsable n'est pas de l'appareil dans la paroi. Un beau bac, les médines dans le tas, le croissant pour symbole, donc ennemi de l'État. On est des tas, décrété ennemi d'État, état des lieux, vendetta, Chiquipa et Beretta. On respire tard comme Franklin Arrêta, mais l'histoire nous rattrape pas car troqué en peseta. A vos bacs, les médines, ennemis publics, ennemis du service de la fonction publique, ennemis des tiens, ennemis de l'axe du bien, ennemis du fou et monseigneur, m'en est témoin. Moi je suis plus qu'intégré, je suis intégriste. A vos bacs, les médines. Moi je suis plus qu'intégré, je suis intégriste. A vos bacs, les médines. Moi je suis plus qu'intégré, je suis intégriste. Moi je suis plus qu'intégré, je suis intégriste.